This evening I would like to speak about good deeds and how they become the basis for special happiness in our lives. Donc ce soir, j'aimerais parler des bonnes actions et la façon dont les bonnes actions fournissent le fondement pour un bonheur spécial dans la vie. En pali, ça s'appelle Punya Kiriya Vatu, dans cette vie. Donc dans ce mot composé, on a trois parties. Punya, qui veut dire pur, qui veut dire purification. Kiriya, qui signifie quelque chose qui doit être fait, sans faute. Et Vatu, qui signifie que c'est une base, un fondement pour un bonheur spécial. Donc il y a trois types de bonnes actions qui fournissent un fondement pour un bonheur spécial. Il y a dana, la générosité, il y a sila, la moralité, et il y a bhavna, la méditation ou la culture mentale. Dana, donc la générosité, consiste à donner quelque chose que nous possédons plutôt que de l'utiliser pour nous-mêmes. Et cet acte peut être motivé par deux choses, par le respect qu'on porte à une personne, par exemple les enfants qui donneront quelque chose à leur professeur, ou bien peut être motivé parce que on souhaite que la personne, la destinataire du don, soit comblée et dans ses besoins et qu'elle soit heureuse. Comment faire pour que le don soit d'un très haut niveau? La première chose qu'on fait quand on donne quelque chose, c'est que on renonce, on laisse partir quelque chose, et cet acte aura le bénéfice de diminuer notre attachement, notre avidité pour un objet en particulier. Donner dans le but d'avoir une bonne réputation ou dans le but d'être apprécié, d'être aimé, ce n'est pas une motivation d'un très haut niveau. Ça ne nous donnera pas un état d'esprit d'un très haut niveau. Quand on donne, on ne devrait pas avoir d'intérêt personnel, mais on devrait avoir le souhait que l'autre soit heureux. Par exemple, si on donne un stylo bille ou un crayon, c'est dans le but que un besoin de quelqu'un soit comblé. Quelqu'un qui n'avait pas de crayon se retrouve avec un stylo bille ou un crayon et son besoin est comblé. Si on le fait avec ce genre d'intention, c'est de l'amour pur, c'est l'équivalent de l'amour bienveillant, de metta. On peut aussi souhaiter que la partie bénéficiaire soit libre de la souffrance du manque. Lorsque on donne de cette façon, on augmente metta, on augmente l'amour bienveillant en nous, et l'amour bienveillant surmonte la haine, parce qu'il est impossible de haïr quelqu'un lorsqu'on veut son bien-être. Les deux ne peuvent pas coexister. De la même façon, on développe la capacité à ressentir de la compassion parce que on souhaite que la personne en question soit libre de la souffrance, et cette qualité de l'esprit a la capacité de surmonter la cruauté. Ces deux qualités sont très importantes dans les relations humaines. Lorsque ces deux attitudes sont présentes, on développe aussi le sentiment d'être heureux lorsqu'on voit quelqu'un d'autre qui est heureux. C'est ce qu'on appelle en pali mudita, c'est une autre qualité mentale. Ces trois attitudes de l'esprit sont présentes dans l'acte du don. Ces actes de générosité auront naturellement pour résultat de nous procurer un soutien matériel à nous-mêmes. C'est un développement naturel. Mais on ne devrait pas avoir cette attente quand on pratique le don, quand on pratique la générosité. On ne devrait avoir aucune attente. On devrait pratiquer le don strictement pour le bénéfice de l'autre personne. Mais il n'en reste pas moins qu'il est un fait que l'activité du don peut résulter en un soutien pour nos propres aspirations, parce que par ricochet, on disposera de suffisamment de choses au niveau matériel. Par exemple, le fait qu'on puisse ici se permettre de venir méditer, qu'on ait le loisir de venir méditer ici, montre qu'on a déjà un certain confort matériel qui nous le permet. Pratiquer la générosité peut nous aider à réaliser notre but. Donc le dana est une bonne action mineure, mais elle est très utile. Une bonne action d'un niveau supérieur, c'est sila. Et sila, comme je l'ai expliqué hier, c'est la moralité, c'est-à-dire le contrôle de nos actions physiques et verbales. Ce n'est que lorsque nous sommes capables de contrôler nos actions physiques et verbales, par exemple éviter de nuire aux autres, qu'on peut dire que notre comportement est véritablement humain. C'est le résultat donc d'observer sila, d'observer la moralité, c'est que notre comportement devient véritablement humain. Un autre avantage de l'observation de la moralité, c'est qu'on est capable de penser, de réfléchir logiquement avant d'accomplir une action, avant de planifier quelque chose. On est capable de se demander est-ce que cette action est bénéfique ou non. Et si elle ne l'est pas, on évitera de la faire. C'est un peu comme la nourriture. Avant de la manger, on se demande est-ce que cette nourriture me sera bénéfique, est-ce qu'elle n'est pas empoisonnée. Et si on évite de prendre les aliments qui sont mauvais, on ne souffrira pas. On ne devrait pas se limiter à se demander si une action est bénéfique ou non, on doit aussi se demander si elle est appropriée. Et si elle ne l'est pas, on n'en retirera pas beaucoup de bénéfices. Donc on ne doit pas seulement accomplir des bonnes actions en général, on doit aussi voir si on les fait au bon moment et au bon endroit. Si on vole, si on tue, si on commet l'adultère, c'est certainement néfaste pour les autres, mais c'est aussi néfaste pour nous-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'il y a quatre dangers qui vont de pair avec ces mauvaises actions. D'abord, les reproches qu'on va s'adresser à nous-mêmes. On va regretter notre action, on va se reprocher notre action. Ensuite, les reproches qui nous seront adressés par d'autres, en particulier par les personnes sages. En troisième lieu, la punition, la sanction de la loi, ou la revanche des victimes qui peuvent nous tomber dessus. Et enfin, les mauvaises existences futures qu'on se prépare, même sans aller si loin, on peut imaginer, en réfléchissant, les résultats qu'auront ces mauvaises actions, par exemple l'adultère ou le meurtre, comment notre vie présente sera transformée par ces mauvaises actions, on peut l'imaginer. Lorsque nous accomplissons des actes de générosité, d'une façon qui permet de développer l'amour bienveillant et la compassion, on réduit les tendances à la haine et à la cruauté, et donc de cette façon on développe la moralité, on aide la moralité à se renforcer. Les personnes qui tuent, qui volent, qui commettent l'adultère agissent comme des personnes égoïstes parce qu'elles ne pensent qu'à elles-mêmes, elles ne regardent qu'elles-mêmes. Il en va de même du mensonge. Lorsqu'on ment pour nuire aux autres, c'est quelque chose en fait qu'on ne fera pas si on n'est pas égoïste ou si on n'est pas complètement submergé par la haine. Donc l'amour bienveillant, la compassion facilite notre tâche d'observer la moralité, de nous contrôler. Et nous contrôler, cela veut dire devenir réellement humain, avoir un comportement réellement humain. Alors la troisième catégorie des bonnes actions qui nous rendent purs, qui nous purifient et qui constituent une base, un fondement pour le bonheur spécial, c'est Bhavana Punya, c'est-à-dire la culture mentale ou la méditation. Et enfin, cette catégorie se subdivise d'abord en samadhi, la concentration, samadhi bhavana. Et c'est quand on commence à méditer, on commence par faire l'effort de voir ce qui apparaît aux six portes sensorielles. On essaye de saisir l'objet qui apparaît et de viser correctement l'objet, de viser l'objet afin que l'observation soit synchronisée avec l'objet. Il y a six bases sensorielles et il y a aussi six objets des sens. Et lorsque l'objet des sens entre en contact, heurte la base sensorielle, la conscience apparaît. Ainsi, par exemple, si l'objet visible entre en contact avec l'œil, il y a la conscience visuelle qui apparaît. Si un son entre en contact avec la base sensorielle de l'oreille, il y a la conscience auditive qui apparaît. Si une odeur entre en contact avec la base sensorielle du nez, une conscience olfactive apparaît. Si un objet à goûter apparaît au niveau de la langue, entre en contact avec la langue, il y a la conscience du goût qui apparaît. Si un objet tactile entre en contact avec le corps, il y a la conscience du toucher qui apparaît. Il y a aussi différents objets, divers objets qui sont perçus par l'esprit. Alors lorsque ces objets apparaissent, il faut les noter tels qu'ils apparaissent. Il faut aussi fournir un effort et viser précisément l'objet. Essayer de cibler précisément l'objet. Si on parvient à le faire, ça va apporter un esprit qui est concentré. Bien que nous devions observer tous ces objets qui apparaissent donc aux six portes sensorielles, au début, le plus facile, c'est d'observer le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. Et nous devons le faire de la même façon que si nous accueillions un visiteur. Si nous devions accueillir un visiteur, quelqu'un d'important, nous nous empresserions d'aller le saluer et nous essayerons d'être là à l'heure, d'être là à temps. C'est la même chose donc avec l'objet qu'on observe, l'objet du soulèvement et de l'abaissement. À chaque fois que ce soulèvement ou cet abaissement se produit, il faut que l'on s'empresse d'arriver au bon moment, de l'accueillir au bon moment. Et tout ça demande beaucoup d'efforts. Nous devons le faire encore et encore. Cela demande que l'on vise correctement l'objet afin d'être présent dès le début où il apparaît. Il faut qu'on continue d'essayer cela. C'est comme un entraînement. Lorsque on lance une balle contre un mur, il faut qu'on s'entraîne pour que la balle arrive à l'endroit où on veut qu'elle arrive sur le mur. Tout ça demande beaucoup de pratique. En ce qui concerne la méditation en marche, nous observons le mouvement des jambes et le mouvement des pieds à chaque pas que nous faisons. Et lorsque nous le faisons, il faut que nous soyons en pensée avec le pied, avec la jambe, dès le début du mouvement. On observe la partie inférieure de la jambe, en dessous du genou. Et il est important qu'on soit en pensée avec le pied ou la jambe dès le début, parce que de cette façon, on restera avec la jambe et le pied pendant toute la durée du pas. C'est aussi un entraînement qu'on doit faire encore et encore. Si nous voulons obtenir la connaissance, il faudra concentrer l'esprit de cette façon. Et à ce stade, j'aimerais bien parler d'une histoire inspirante issue du Dhammapada à propos de quelqu'un qui s'appelait Pandita. Donc c'est l'histoire du novice Pandita, et il y a un vers du Dhammapada qui relate cette histoire, qui a été prononcé par le Bouddha. Donc Sayali vient de le prononcer en pali. Et donc ce jeune novice avait été ordonné à l'âge de 7 ans, et sa famille, après qu'il ait été ordonné, lui avait fait dana, donc lui avait offert les repas pendant 7 jours chez lui, à la maison. Mais au 8e jour, il a dû partir pour sa tournée d'aumône, et il est parti à la suite du célèbre disciple du Bouddha, Sariputra. Alors qu'il suivait la file des moines, il vit des paysans qui étaient en train d'irriguer leurs champs et qui creusaient des tranchées afin de dévier l'eau. Et donc ça l'étonna beaucoup, ça étonna beaucoup le jeune Pandita, qui demanda à Sariputra si l'eau, qui n'a pas de conscience, pouvait être guidée. Et Sariputra lui répondit: oui, en effet, c'est ainsi. Alors qu'il continuait donc sa tournée d'aumône, il remarqua cette fois-ci des fabricants de flèches qui chauffaient des morceaux de bambou afin de les rendre tout droits. Et de nouveau, il s'interrogea: oh, les lattes de bambou qui n'ont pas de conscience peuvent être rendues toutes droites de cette façon. Ensuite, il vit des charrons qui fabriquaient des roues en bois. Et donc, il travaillait le bois, il le coupait, il le sciait, etc. Et il se dit: donc, le bois peut être formé afin de le rendre utile, donner une forme au bois pour que le bois devienne utile. Pourquoi moi-même ne serais-je pas capable d'apprivoiser mon esprit et ainsi pouvoir pratiquer Samatha et Vipassana? Et donc il demanda à Sariputra l'autorisation d'arrêter la tournée d'aumône et de retourner pour pratiquer la méditation. Sariputra prit son bol à aumône, le laissa rentrer et donc fit la tournée d'aumône pour eux deux. Donc en réalité, il n'a pas dit à Sariputra qu'il voulait retourner pour pratiquer, il a simplement dit qu'il voulait arrêter la tournée d'aumône. Sariputra a cru à ce moment-là que simplement il n'était pas habitué à faire la tournée d'aumône et qu'il voulait rentrer. Il n'a pas compris qu'il voulait vraiment pratiquer sérieusement. Et donc l'enfant est retourné et il s'est mis à pratiquer très sérieusement. Et les êtres célestes l'ont aidé, ils ont rendu l'environnement autour du monastère très tranquille, et grâce à cela notamment, le jeune novice a pu atteindre le troisième stade de l'illumination. Sariputra, sur ses entrefaites, revenait avec la nourriture pour les deux, pour lui-même et pour le novice. Il savait que le novice devait manger avant midi, tout comme nous-mêmes ici dans cette retraite. Mais le Bouddha, qui était là aussi, vit que le garçon n'avait pas encore atteint le dernier stade de l'illumination, le stade d'Arhat, mais qu'il en avait le potentiel, qu'il en était capable, et donc il retarda Sariputra en lui posant des questions, et de cette façon Sariputra arriva un peu plus tard et le garçon eut le temps d'atteindre le dernier stade de l'éveil. Le Bouddha a déclaré alors: lorsqu'une personne pratique sérieusement le Dhamma, même les êtres célestes vont l'aider. Et c'est à ce moment-là donc qu'il a prononcé les vers en pali que Sayali a prononcé au début, qui se traduisent comme ceci: les paysans dévient l'eau pour irriguer les champs, les charrons rendent les flèches droites, les menuisiers travaillent le bois et les sages s'apprivoisent eux-mêmes. En pratiquant, on peut s'apprivoiser nous-mêmes. C'est l'enseignement de cette histoire. Et cela vaut vraiment la peine de le faire, même si ça demande des efforts. Il y a une récompense au bout du chemin. Et donc, la première leçon de cette petite histoire, c'est qu'il est possible de s'apprivoiser soi-même. C'est quelque chose de faisable, qui est possible, qui n'est pas impossible. Et la deuxième leçon, c'est qu'on a besoin des autres pour le faire. Mais je reparlerai de ça demain soir. Je reparlerai de la façon dont nous pouvons créer un environnement libre des perturbations. Puissiez-vous tous être capables d'appliquer les instructions, d'appliquer la méthode et de conquérir la paix et le bonheur que vous désirez. So may you all be able to apply the instructions and gain the peace and happiness that you so desire. Sadhu, sadhu, sadhu.